Je vous fais la suite de mon après-midi, Charline. Voilà, je vais mettre mes écouteurs, je vais vous écouter, mais je vais être à une terrasse en plein soleil. Ah, mais c'est une bonne idée. Voilà, restez au frais. Ouais, écoutez, on va vous imaginer à votre terrasse. On va vous accompagner, comme j'espère beaucoup d'auditeurs dehors avec leurs écouteurs ou dans leur voiture, on ne sait jamais. Et écoutez ce qui s'est passé ce matin, Laetitia Gaillet, en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut, salut Charline. Figaro si, Figaro là. Alexis, qu'est-ce que tu fais là? C'est le barbier de série. Merci, mais pourquoi? Je prépare l'émission. Ah bon? Ouais. On est devenu une émission d'opéra. C'est nouveau. Excuse-moi, hier on fait la Traviata avec Madame Domba, l'avant-hier on fait Madame Butterfly, on dirait de l'opéra. Ouais, non mais c'est vrai, il a raison. L'an prochain, ils vont nous mettre sur France Musique si on continue comme ça. Rechante un peu, Alex, s'il te plaît. Figaro si, Figaro là. Ah bah c'est ça, il est là, le Figaro, voilà. Puis je voudrais que tu me trouves des thèmes quand tu l'auras lu. Le monde est si, le monde est là. Libé si, Libé par là. Merci, c'est bon. Voilà. Alors moi j'ai ouvert le Parisien aujourd'hui en France et j'ai trouvé un thème. Ah vas-y, vas-y, envoie le thème. C'est le vagin de la reine. Pardon? Le quoi? Ouais, je l'ai lu. C'est à Versailles, ils veulent mettre des œuvres d'art contemporain. Et il y en a une qui s'appelle le vagin de la reine. On va pas aller sur France Musique, on va faire le journal du art direct. Ça vous parle pas comme sujet? C'est super particulier. C'est un bon thème enfin. 17h quoi. Non, c'est qui l'invité? Roberto Lagna. Ah bah tu vois encore. Mais non, c'est Guy Carlier. Ah génial, il a dit des trucs pires que nous sur Internet. Voilà, alors le vagin de la reine, ça va passer tout seul. Ah ouais, c'est bon. En plus, on a qu'à dire que c'est lui qui a choisi le sujet. Oh bah voilà, il y a un problème. Voilà. Parfait. Bon, c'est bien, on a bien avancé. Qu'est-ce que tu entends par on a bien avancé? On peut se reposer quoi un peu maintenant. Oui. Comment ça? L'équipe est ci, l'équipe est là. Rock et fortune, l'équipe est ci, l'équipe est là. L'équipe est là. Vous me fatiguez. France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui attache l'actualité au radiateur. Et voici les trois informations qui seront cuites à 18h. Le congrès du Parti Socialiste s'ouvre demain à Poitiers. Le PS est en quête d'une nouvelle identité. Alors pour l'instant, il y en a quatre d'identité. Oui, comme autant de motions. Mais au bout du week-end, il ne devra en rester qu'une. Tous ensemble. Le vagin de la reine trône en plein milieu des jardins de Versailles. On ne sait pas si à l'époque le jardin de la reine trônait au milieu du vagin de Versailles, mais Christine Boutin est à deux doigts de l'évanouissement. Ah, la voilà. Tu l'as vu? La pomponnette. Ouais, la pomponnette est dans les jardins du château de Versailles, c'est moi qui vous le dis. Le manque de concentration est un mal du 21e siècle. Ce serait donc la source de nos problèmes, maintenir le cap de la pensée au milieu d'un océan de stimuli. J'y vais. Je me concentre et je me jette à l'eau. Et pour attacher ces trois informations, je suis accompagnée de celui qui est chargé d'aller acheter les menottes, comme tous les jours à l'épicerie. Mais oui, je commence à être bien connu là-bas. Bonjour, Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe à 17h20. On parlera sport avec le seul homme capable de dire autant de bobards que Sepp Blatter, sauf que lui ne fait pas exprès. C'est Samir Bouadi, bonjour. Ça fait plaisir toujours. Bonjour, Charline. On va parler un peu de Nadal. Très bien. À 17h30, on parlera d'actu avec notre reporter, celui qu'on nous a confié, car la rédaction n'était pas encore prête pour tant d'efficacité. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi j'ai participé hier soir à la semaine de la gastronomie chinoise. J'ai rencontré un Chinois de Montpellier. Il y a le passé, il y a le présent. Le présent tous les jours change. Voilà, qui connaissait un proverbe chinois de Montpellier. Donc. Qui a un bel accent chinois. Ouais. À 17h40, on parlera littérature avec celle qui, si sa vie était un livre, j'aimerais tellement en être le signé. Comme ça, elle pourrait choisir à quelle page elle menait. Bonjour Clara Dupont-Moretti. Bonjour Alex. Ça fait peur. Et encore là, c'est calme. On va parler du livre de notre invité qui revisite les années 60. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes en effet accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Vous travaillez pour une société d'exploitation de bois africain en 78. C'est l'année où Bukowski arrive bourré sur le plateau d'Apostrophe. Vous co-présentez On ne peut pas plaire à tout le monde avec Marc-Olivier Fogiel en 2004. Une année noire en télévision puisque c'est l'arrêt de C'est mon choix. Et je sais que ça vous a beaucoup attristé. Vous publiez un livre intitulé Nadine Morano, une chanson populaire en 2009. C'est l'année où la science découvre que la chanson populaire peut causer des dégâts irréversibles puisque Grégoire chante cette année-là, toi plus moi. Je vous laisse nous dire qui vous êtes. Allô ? Vous êtes réveillé. Vous êtes endormi. Je pensais que vous adressiez à tout le monde. Oui, oui, c'est vous. Pensais que c'était un vous collectif et que tout le monde allait s'exclamer Guy Carlier, mais en fait, ce sont les autres qui dorment. On peut le faire, si vous voulez. 3, 2, 1. Vous êtes Guy Carlier. Merci. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Toute petite question comme ça, sans intérêt, vous qui avez travaillé dans le bois d'Afrique, le palissandre, qu'est-ce que c'est exactement? Du Brésil celui-là. Oui, alors le palissandre, on n'en trouve plus beaucoup en Afrique, comme on ne trouve plus beaucoup d'acajou, mais je te ferai un cours sur le... mais là, ça sera peut-être dans une émission un peu plus sérieuse sur le pillage de l'Afrique par... Par Mathieu Gallet. Décidément, c'est vraiment cool. Ah oui, la sale semaine. On fait le rapprochement. Ah bah si. Putain, je suis en retard aujourd'hui. Mais il me réveiller un peu. Hein. Oui, nous sommes en compagnie de Guy Carlier qui publie Chapelle Sixties au Cherche Midi. On apprend que vous avez notamment emballé sur Otis Redding. On apprend aussi qu'il y avait des boîtes de nuit de jour où on pouvait entrer à partir de 14 ans. Pourtant, ça n'a pas fait de vous une génération perdue finalement. Hein. Alors que si ça arrivait aujourd'hui, des boîtes à 14 ans, je pense que ça ferait un tollé. Clara Dupont-Monod a lu votre livre et selon vous, Clara, vous attendiez à de la nostalgie et puis finalement, pas tellement. Oui, il n'y a pas beaucoup en même temps, je ne vais pas le dire parce que du coup, ça va être l'objet de ma chronique. Mais en revanche, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous racontez les années 60 avec une série de petits détails. Par exemple, j'en donne un au hasard, vous faites une espèce d'échelle sociale selon la façon qu'ont les enfants d'appeler leurs grands-parents. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, on va pas venir tout de suite à Argenteuil. Il y a des piliers de ce bouquin que sont la banlieue, les banlieues rouges, en l'occurrence Argenteuil, et puis la musique, puisque tout est venu de la musique, tout ce qui s'est passé sur cette génération-là. Et donc, les premières graines de mai 68 ont été semées par les Beatles, par les Stones. D'ailleurs, je cite une phrase de Mick Jagger en exergue qui dit, il y avait une génération sur un bateau et les Beatles sont criés terre, les premiers. Et effectivement, il y avait une différenciation sociale qui se faisait à travers la façon dont on appelait les grands-parents. Alors, à Argenteuil, comme c'était quand même ville ouvrière, machin, on disait pépère et mémère. Mais ça, c'est au plus bas de l'échelle. C'est le plus bas de l'échelle. Ensuite, tu avais pépé, mémé. Ensuite, ça, c'était les classes moyennes. Les classes moyennes. Ensuite, quand t'allais vers Saint-Germain-en-Laye, Maison-Laffitte, tout ça, c'était papy-mamie, tu vois. Et après, tu avais, va dire, le Pec, ouais. Le Vésinet, tout ça, où c'était Mamoun, Mamina, tu vois, Mamina Papinou. Des choses comme ça. Ou alors, carrément, le prénom. Parce que il y avait des familles recomposées où tu avais, là, tu t'allais pas dire Pépé, fallait rajouter Pépé X ou mémé Y. Donc moi, comme je faisais partie d'une famille recomposée, c'était le bordel. Et c'était la honte, surtout à l'époque, parce que les enfants aiment beaucoup la normalité. Et je dis dans le bouquin, moi, sur ma boîte aux lettres, il y avait trois noms, parce que ma mère avait divorcé, donc il y avait le nom de jeune fille de ma mère, mon nom, Carlier, et puis un troisième nom qui était celui de mon beau-père. Les enfants aiment la normalité, mais il faut que les enfants votent pour François Hollande, ce serait magnifique. Ce serait bien. Et un jour, un copain est venu à la maison, il a regardé la boîte aux lettres, et il m'a dit, mais c'est la famille tuyau de poil. J'étais mais vraiment humilié. Et alors donc, j'avais une grand-mère Louise, une grand-mère Mathilde. Voilà. Laquelle était sadique avec vous, c'était grand-mère Louise, qui était horrible grand-mère Louise, avec vous. Oui, très cruelle. C'est la mère de mon beau-père, déjà. Mon beau-père ne m'aimait pas. Enfin, vous voyez, il y avait comme votre ça. Votre belle grand-mère. Alors. Oui, ma belle grand-mère. Mais il y a un côté fresque sociale dans votre livre, et c'est là où on apprend quand même qu'il y a des professions qui ont disparu. Il y a des marchands de couleurs. On ne voit plus des marchands de couleurs. Non. Et vous parlez à un moment d'une remailleuse. Les remailleuses. Alors c'était des femmes qui avaient des plaques un peu comme les notaires, des plaques argentées, vous savez, remailleuses. Ouais. C'était des femmes qui remaillaient, qui refaisaient les mailles des bas. Ah bon? Quand les collants allaient filer. Donc, les collants n'existaient pas. Les bas filaient. Donc les bas filaient, donc ça coûtait assez cher, les bas. Et donc on amenait, et je me souviens, elle travaillait dans leur pavillon en meulière, et tout le salon était plein de bas. Elle savait s'y retrouver un peu comme chez les cordonniers, quoi. Sauf que c'était des bas. Et remailleuses. Effectivement, ça complètement disparu. Et je demande pardon à la régie d'avoir mis un direct du droit au micro. Il y a un poste d'ingé son qui vient de se libérer. Personne n'est sourde désormais. À la technique aujourd'hui, Hélène Langlois, Arnaud Caillé. Voilà, on les salue, on les remercie d'être là. Ne partez pas parce qu'on a besoin de vous jusqu'à 18h puisqu'on est en compagnie de Guy Carlier qui publie Chapelle 60s au Cherche Midi. On va en reparler tout à l'heure, entre autres détours par l'actualité. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux, c'est magnifique. Donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel à Cuba, oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça, c'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent 45 jours, oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là là là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique. Louise Mariano. Mais oui, Louise Mariano. Oui, j'attends que vous fassiez une imitation, quelque chose. C'est vrai, je suis passé opéra. Vous c'est savez. Magnifique. 1955, dans l'opérette Cancan. Vous êtes sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Guy Carlier, un professionnel des émissions de bande. Donc on va en prendre de la graine, on va prendre des notes. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Et bien Clara Dupont-Monod, qui a lu le livre de Guy Carlier et qui le chroniquera tout à l'heure. Samir Bouadi, qui nous parlera sport. Et Guillaume Meurice, qui est allé nous fâcher avec l'Asie entière, à commencer par la Chine. J'ai toujours compté sur moi. Oui. Merci Guy Carlier. Bien avec Alex Vizorek, on a feuilleté la presse et avant qu'elle ne finisse par emballer le poisson, eh bien on la feuillette, on la lit. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui c'est le raisonnable, elle c'est la colérique. C'est juste faux. Lui c'est le modéré, elle c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Il est vraiment bien ce jingle. Et on commence... Mais il est faux. Non. On commence par le gouvernement qui déclenche vendredi le plan canicule. C'est le moment idéal pour mettre Serge Dassault en examen. C'est pour son bien de le mettre au frais. C'est donc sous la canicule que va se dérouler le congrès du Parti Socialiste à Poitiers. Oui, allez-y si vous aussi vous voulez rester au frais. Parce que chez les socialistes, il y a pas mal de ventilos. Voilà, la canicule, ça me fait penser à la chanson de Gainsbourg. Là, sous le soleil. Oui, on passe à la suite. Oui, revenons sur un sujet qu'on a traité hier. Le gouvernement a donné hier d'ailleurs aussi son aval quant au projet d'extension de Roland-Garros, un projet pourtant contesté par les écologistes et Ségolène Royal. Oui, comme à chaque fois, Roland-Garros, c'est la paire espagnole Valls Hidalgo qui a gagné en 3-7 contre la paire française Royal Hulot. Voilà, passons à Agnès Sahl. Oui, Agnès Sahl est soupçonnée d'avoir utilisé des taxis à titre privé lorsqu'elle était à la tête du Centre Pompidou. J'ai envie de dire Agnès les taxis. Voilà, merci Alex, vous êtes très Gainsbourg. Oui, passons à une info sportive. Oui, une info sportive sur Papy Cissé, qui est un grand attaquant de Newcastle, mais surtout une information sur la distraction des hommes. Je vous lis le titre. Cissé dit à sa copine qu'il part en vacances, elle découvre l'impensable. Ah, et c'est quoi l'impensable? Eh bien, il a épousé une autre femme pendant ses vacances. Et je, si, je vous lis l'info comme elle est là. Rachel Graham s'en est plein. plainte à la presse anglaise car Papy avait dit qu'il partait en vacances au Sénégal et en fait il était à Paris en train d'épouser Awa Diallo, une volleyeuse sénégalaise qui joue justement à Paris. Mais c'est vrai cette histoire? Alors je sais pas, de deux choses l'une, soit c'est vrai et Papy Cissé c'est mon idole, soit c'est faux et Rachel Graham c'est la Jeannette Bougrab d'Outre-Monde. Revenons à la politique. Oui, parlons d'Arnaud Montebourg. Ah, mon Dieu. Oui. Rien que son nom m'évoque, j'ai des chaleurs. Alors, dans Libé, il cautionne le surnom que donne Manuel Valls à son couple. Ah, c'est quoi le surnom? Bonnie and Clyde. Ah bah, comme la... Ouais, comme dans la chanson de Gainsbourg. C'est ça, ouais, c'est ouais. Ça, ouais, ouais. Non, c'est pas moi qui vais la chanter, mais écoutez bien, parce que cette chanson a probablement été écrite pour Arnaud et, comme vous dites, Aurélie. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, vous avez dit que je reviendrai. C'était un gars loyal, honnête et droit. Si j'avais à faire une phrase de fin, il faut croire que c'est la société. Je dirais qu'il faut savoir quitter la scène. Qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Quand on ne sait pas jouer plus longtemps la comédie. Bonnie and Clyde. Vous savez ce qu'a dit Euripide, un grand poète grec. Il a dit, parle si tu as quelque chose à dire plus fort que le silence, sinon garde le silence. Et il a tellement raison. Et merci à Benjamin Riquet à la réalisation pour ce magnifique featuring avec Arnaud Montebourg. Allez, nous sommes jusqu'à 18h en compagnie de Guy Carlier et on grille l'actualité comme des merguez à la manif de la CGT. Et premier sujet avec vous, le congrès du PS qui démarre demain. Vous sentez monter cette excitation, n'est-ce pas? Non, ben c'est normal. Depuis 3 ans, Guy, nous sommes perdus. On voudrait enfin savoir si François Hollande est encore de gauche. Enfin, ceux qui n'ont pas compris que j'étais social-démocrate peuvent encore poser une question. Ancien combattant, militant socialiste et bistrot, c'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Et des comme ça, jamais. Annie Dieu à Paris, featuring François Hollande, dialogue de Michel Audiard. Alors, c'est la couverture de l'Obs cette semaine qui se demande, le PS est-il de droite? Une question qu'on se pose depuis quand même un certain moment. Donc le congrès s'ouvre à Poitiers demain, qui ne risque pas tellement d'être passionnant, parce que tout est quand même joué d'avance. Ils sont beaucoup moins marrants qu'à droite, non? Je sais pas, vous sentez oui, le vanter, monter cette vague? Les clashs, ils les font en direct au fur et à mesure, et ils attendent pas comme avant le congrès pour étaler leurs différences. Donc, et puis ça dure 3 jours, contrairement là, à mon avis, ils ont fait une erreur stratégique, parce qu'ils vont se faire chier, il va faire beau et tout. C'est non, vrai. Mais c'est vrai. Et les journalistes vont être excédés, quoi. Le dimanche, ils vont plus en pouvoir. Alors que vous avez vu, les Républicains avaient regroupé ça en une journée, l'apéro, le machin, le truc. Et puis hop, le discours de ça. Alors que là, c'est déjà, d'ores et déjà, je dirais, d'un point de vue logistique, c'est une erreur grossière. En plus, d'un point de vue idéologique, je vois pas pourquoi on se pose la question, le PS est-il de droite? En tout cas, la réponse, c'est le PS et ou Hollande ne sont plus de gauche. Ça, c'est une certitude. Où ils sont, je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas non plus. Enfin, ils seront à Poitiers 3 jours. Ça. Comme voilà, ça, on est sûr de savoir où les trouver pendant un moment. Ville d'Aliénor d'Aquitaine. Ah. Planera son esprit belliqueux. Bon, et je rappelle toujours votre livre, en vente, la de la sur ce sujet. Excellent livre. Que j'étais diable. Sur alors, le PS. Moi, je trouve qu'ils sont malins d'aller à Poitiers, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres activités à faire à Poitiers, donc ils vont être obligés de rester sur place, je pense. Certains militants disent, si on se fait chier, on ira au Futuroscope. Ah oui, donc ils vont vraiment se faire chier. C'est la première fois que les socialistes regarderont loin dans l'avenir. Oh. C'est bon. Michel Rocard dit. C'est cadeau. Je vais citer du Michel Rocard. Ah, ça, ouais. Je crois qu'il vaut mieux. Hein, voilà. Dit la tragédie des socialistes, c'est qu'ils ne savent plus comment l'être. Comment être socialiste aujourd'hui? C'est ça. Regarde qu'on critiquait déjà pour ne pas l'être tant que ça à l'époque. C'est vrai. Non, mais attendez, la social-démocratie, ça a quand même été un courant de la gauche depuis longtemps. On se frotte les yeux, on s'étonne, mais on peut être social-démocrate et de gauche, dans ce mouvement dans toute l'Europe. C'est vrai, DSK représentait ce courant, etc. Mais il y avait quand même, je dirais jusqu'à Jospin, voilà, moi je considère que Jospin était quelqu'un de gauche. Jospin, DSK, dernièrement, c'est une gauche Mendès France, mais une gauche quand même. C'est pas forcément une gauche demain la grève, etc. Mais il y avait quand même des valeurs qui pouvaient donner une alternative aux prolos qui sont perdus parce que le PC s'est écroulé. Et on parlait d'Argenteuil, mais les mecs sont passés du PC au FN directement, sans passer par le PS, qui ne présentait aucun intérêt pour eux dans leur désespoir. Vous comprenez ce que, excusez-moi d'avoir été un peu sérieux, mais voilà, et c'est là, à mon avis, l'erreur historique des socialistes, c'est de ne pas avoir proposé d'alternative et d'être là dans une espèce de mollesse idéologique. En même temps, Guy Carlier, Jospin, c'est un des rares à avoir eu des bons résultats et à ne pas avoir gagner les élections. C'est ça. Bah oui. Oui, mais le palmarès de Jospin était pas loin d'être désastreux. Oui, et puis surtout dans il y avait pas ces contradictions qui, vous voyez, quand vous entendez, on va reparler de Valérie Trierweiler, simplement pas pour le témoignage, je porte pas de jugement là, c'est une femme blessée, machin, etc. Mais quand elle dit, elle a pas inventé les 100 dents, elle a pas inventé cette espèce de double langage et finalement quand plus personne ne croit à Hollande, quand il dit mon ennemi c'est la finance, non c'est pas vrai. Mais quand je suis très ami avec un homme qui s'appelle Daniel Vaillant, qui était ministre de l'Intérieur de Jospin, et qui me raconte comment ils ont arrêté les rétro-commissions. Vous voyez, les fameuses rétro-commissions. Jospin l'a appelé dans son bureau, il a dit, c'est terminé. Les histoires de fric qu'on partageait, des enveloppes. L'histoire de ce qui s'est passé, l'attentat là où il y a eu 9 morts au Pakistan, je crois. À Karachi, etc. Ouais. Enfin bon, ça entraînait ça. Les fonds spéciaux. Il se souvient parfaitement du jour où lui, ministre de l'Intérieur, a été convoqué par Jospin, etc. Et ce mec-là a retapé dans le Morvan une grange, c'est très beau ce qu'il a fait, il l'a fait avec un emprunt à l'Assemblée nationale, ils ont des taux d'intérêt intéressants. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une logique, si vous voulez, dans ses idées et dans sa façon de vivre. Et ce qui a déçu les gens, c'est Cahuzac, quoi, vous prenez ça dans la gueule, c'est tellement désespérant. Et donc, on n'attend pas grand-chose, effectivement, de ce congrès où tout est déjà joué. Congrès Parti Socialiste à Poitiers. Enfin, suivez-le sur cette antenne avec l'œil de la rédaction. On en parlera lundi, probablement. Oui, probablement, bien sûr. Il y aura bien 2-3 sons à en tirer. Nous sommes en compagnie de Guy Carlier jusqu'à 18h. Et à côté de vous, il y a Samir Bouadi qui élève le sport au rang de la poésie. On va essayer. Voilà. Je vais quand même vous parler d'un sujet qui fâche, comme dirait Claude Goasguen, lorsqu'il parle de l'islam en France, par exemple, aujourd'hui, à savoir la défaite de Nadal face à Djokovic. Alors, sujet délicat, épineux, difficile à aborder sans être immédiatement taxé de nadalophobie primaire. Quand chacun se renvoie la balle, comme une patate chaude, d'autres ont le courage de proposer le débat. Je ne cesse ici que d'affronter le silence, que de regarder droit dans les yeux l'hideuse gorgone qui protège le temple de la bien-pensance. Au risque de finir pétrifié, je dis haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Oui, la question se pose, Nadal est-il toujours le grand Nadal? Je sais que je viens de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Je sais qu'en ces temps de disette, je vois bien qu'en ces temps de coupable autocensure, il est dangereux de porter la parole à la hauteur du sens, à l'incandescence du juste, à la température du vrai. Mais c'est ainsi, je ne sais pas faire autrement. Le courage m'habite. Enfant, déjà, je n'hésitais pas à titiller. Enfin, on en parlera plus tard. Enfin, la pudeur qui est bien m'interdit d'en dire plus sur ce parcours fait de prises de position radicales et d'embardées glorieuses qui auront vu l'érection d'une pensée libre et jamais sujette à la mollesse du sens critique. L'humilité est la première des qualités pour celui qui cherche sans fin la raideur de la perfection. En cela, applaudissons dès demain certains de nos responsables politiques qui osent s'interroger, qui ne détournent pas le regard, qui ne se pincent pas le nez malgré le bruit et l'odeur. Voir juste et loin et se poser les bonnes questions. Bref, Nadal, donc, moins fort qu'hier. Moins déterminé, moins Nadal, tout simplement. Oui, on l'a vu se battre, oui, c'est vrai, on l'a vu essayer, là. Il a perdu parce que la tête n'y est plus, tout simplement. D'autres diront que ce n'est pas Nadal qui a failli, mais que c'est Djoko qui a grandi. Son régime sans gluten peut être invoqué aussi. Mais je reste droit dans mes bottes. Nadal est-il encore Nadal? J'ouvre un débat comme on ouvre les vannes du barrage des convictions. Je libère des flots incontrôlables. Je laisse les remous s'en prendre au mou et les faire bouillir dans un océan d'incertitude. Ah, vous voilà, mièvre, rhéteur, soumis à la question. Veux les indécis, je vous vois vous noyer dans l'eau putride de vos hésitations. Trop longtemps, vous vous êtes détourné. Trop longtemps, vous avez suspendu votre jugement sur des sujets aussi graves. trop longtemps. Vous avez refusé de mettre des mots sur le mal et vous voilà pris de court tout au fond du cours, attendant que l'on vous serve sur un plateau d'argent une défaite de glaise. Je sais, je sais. D'aucuns m'objecteront que Nadal peut revenir, qu'il est pour le moment presque en passe de redevenir le patron. Oui, je sais vos arguments, mais qu'en est-il du temps qui passe? Qu'en est-il de cette gangrène? Moi, j'ai le regard qui porte. Je les vois, ces hordes de nouveaux joueurs qui chevauchent, tels les cavaliers de l'apocalypse, vers nos terres affoulées. L'herbe ne repoussera pas après leur passage. Il nous reste peu de temps pour contrôner leur avancée. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre une licence un peu partout en France. Et je le tiens de source sûre, des petits clubs de tennis, clandestins ou pas, forment de futurs cogneurs qui bientôt détrôneront les Djoko et consorts. Le tennis est en passe de se démocratiser. Et le drame n'inquiète personne. On rigolera moins quand un joueur français s'appelant Mohamed gagnera Roland-Garros. Chers amis, l'heure est à la prise de position. Je dis haut et fort ici qu'il est des débats nécessaires et qu'il est urgent de se réunir. Certains ont déjà eu le courage de se manifester. Des voix s'élèvent. Grâce soit rendue à ceux des nôtres qui refusent d'entrer dans le vagin de la reine. Œuvre odieuse, chiasseuse d'un pseudo-artiste contemporain, Anish Kapoor, rien qu'avec le nom déjà, hein, qui vient salir Versailles. Saluons aussi le courage de ceux qui ont tué dans l'œuf la sortie de ce film. Un français, sorte de pamphlet gaucho en forme d'ode à la faiblesse, réalisé par Diastem, déjà Diastem avec un nom pareil en France, bref, c'est heureux. Il reste des gens pour proposer des débats. Oui, je sais, on me dira, mais ce n'est pas ouvrir un débat que de trancher, ce n'est pas ouvrir un débat que d'appeler à la censure, ce n'est pas ouvrir un débat que d'affirmer sournoisement. À cela, je réponds que les visionnaires, par définition, s'adressent à des aveugles. D'autres me diront qu'on peut très bien être aveugle et entendre très bien, certes. À cela, j'ai le courage d'affirmer que non, Nadal n'est plus Nadal. Merci voilà. Beaucoup. Merci à l'islamophobe Samir Bouadi. Le Nadal. Et le vagin de la reine, on va en reparler. Hein, Guy Garly, vous n'êtes pas venu pour rien, je vous assure. Non, on va parler du vagin de la reine. Si je vous l'ai dit ou pas? C'est oui, un bon teasing. Oui, c'est ça. Voilà. On l'a bien connu. On la salue, la reine. est anglaise, elle a 20 ans, Flo Morrissey, Pages of Gold sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Guy Carlier. Et vous avez un petit mot à dire sur la chronique de Samir Bouadi. Brillante au demeurant, j'étais impressionné par son talent d'écriture. Mais je crois que l'émission est filmée, les auditeurs peuvent nous visionner. Tout à fait. Et j'étais également impressionné par son physique, il est très beau. Oh, c'est tellement gentil. Et il me fait penser à Gérard Darmon, qui est mon idole. C'est la voix un peu. Jeune. Il a en plus, il a les harmoniques. Oui, parce que maintenant. Mais on l'a engagé pour son physique. Darmon est un peu. Vous voyez, imaginez, mesdames, Gérard Darmon qui aurait été un peu au poids soleil quand même. Mais les mêmes harmoniques dans les basses et tout. C'est très gentil. Merci infiniment. C'est Samir Bouadi. Marc Dorcel lui avait proposé du travail. Mais c'est vrai. Véridique. Mais à l'écriture. Véridique. Ce que vous dites. Son surnom était. La poutre de Babel Web. On a hâte de savoir ce que vous allez dire sur Guillaume Meurice, qui est aussi un qui est physique. Moins beau. Oui, vous pouvez couper les caméras. Alors écoutez bien, Guillaume Meurice, qui est notre reporter, et il interroge la société avec humour. Oui, alors. Enfin, normalement. Car il en a. On va essayer. Moi, je vais vous parler de la semaine de la gastronomie chinoise aujourd'hui. C'est un événement qui a lieu en ce moment dans plein de restaurants à Paris. Alors, je sais, vous allez me dire gastronomie chinoise, c'est un bel oxymore. Hein, c'est vrai, c'est un peu comme le génie belge, c'est pareil. Ou humilité française, par exemple. Ça, c'est pareil, ça sonne bizarrement. Car le français, c'est cet être délicieux qui reproche aux Chinois de manger du chien, mais qui est capable d'avaler un steak de cheval, une douzaine d'escargots ou les conneries de Manuel Valls. Les couleuvres étant encore le plat préféré du français moyen. Mais ce n'était pas au menu du restaurant Le Pont de Yunnan, où je me suis rendu hier soir. D'ailleurs, qu'est-ce que le patron avait prévu de bon ? On a plein de choses pimentées. Oui, ça pique, mais il y a plein de goût. Ce soir, le plat plus spécial est notre poisson rôti en deux saveurs. Bon, et demain, c'est la commémoration de ce qui s'est passé place Tiananmen. Est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial ? Écoutez, je ne connais pas très bien. Est-ce que vous mangez pimenté ? Je mange pimenté ? Voilà, c'est une question qui n'a rien à voir avec la mienne, dites donc. Bon, question un petit peu trop pimentée à son goût, peut-être. Tant pis, j'ai retenté ma chance avec une des organisatrices de la soirée. Chaque jour, on a un dîner sur un thème différent. Oui, est-ce qu'on va manger de l'opposant politique ? Alors, nous ici, nous sommes très très lisses, mais nous sommes ouverts à tous les courants. Hein. Ah, donc vous ne seriez pas contre manger de l'opposant politique ? Non, je pense que c'est très bon, rôti à la broche. Ah, bah voilà, c'est la Chine décomplexée. Ah, c'est ce qu'on appelle une réponse aigre-douce. J'ai également rencontré Zhu Shanshan. Alors, elle est journaliste à Chine Info. C'est un média qui, comme son nom l'indique, parle de la Chine et donne des infos. Ah, on aurait été surpris qu'il parle de la Picardie et qu'il vende du pâté en croûte. Hein. C'est pas le cas, donc c'est cohérent. Et moi, j'avais des questions sur les rapports entre la Chine et la presse. Vous avez une liberté totale de dire ce que vous voulez ? Oui, j'ai une liberté dans la mesure où je ne fais pas un focus sur tout ce qui est extrêmement négatif et miséreux, on va dire. Voilà. Alors effectivement, le du début suffisait. Je suis allé voir sur leur site et il n'y a pas de focus sur ce qui est négatif, clairement. Le truc le plus négatif, c'est un des titres de la page d'accueil. Je cite, l'actrice chinoise Fan Bingbing n'est plus célibataire. Ah, ça, c'est un peu dommage pour tous les amateurs de chirurgie plastique. Je le dis pour vous, Alex, vous avez apprécié Ariel Dombal hier. Mais il n'y a pas que ça sur le site. Il y a aussi un classement des chaînes de restauration préférées des Chinois. Et la première est Pizza Hut, figurez-vous. C'est véridique, devant plein de restaurants chinois. D'où mon autre question. Est-ce que la Chine est capitaliste ou est-ce qu'elle est communiste ? Alors la Chine se dit être ce qu'elle appelle le socialisme à la chinoise. Ah oui, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Il faudrait inventer d'autres mots pour décrire la Chine. Est-ce que le mot dictature convient à la Chine ou pas ? Je pense que ça a pu convenir. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Vous espérez qu'un jour, il y ait des élections, par exemple ? Je ne sais pas, parce que si vous voyez l'état où est la France à cause des élections, des élections tous les 5 ans, on n'avance pas. Et c'est vrai, les élections, ça ralentit pas mal la prise de décision. Il faut réfléchir, il faut débattre pendant des heures, ça fait mal à la tête. En Chine, une balle dans la tête et c'est réglé. Cécile Dufaux, elle tient pas 20 secondes, par exemple, en Chine. Il n'y a pas de frondeur, par exemple, en Chine. Enfin, dans les cimetières, oui, mais je veux dire, il n'y a pas au gouvernement. Des élections et de la démocratie, c'est d'ailleurs ce que revendiquent les habitants de Hong Kong, rétrocédés il y a peu à la Chine. Qu'est-ce qu'on en pense à Chine Info ? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe à Hong Kong en ce moment ? Sincèrement, j'ai vraiment pas eu beaucoup le temps et l'énergie de pencher là-dessus, mais parce que j'ai que 24 heures dans une journée. Le mythe des Chinois qui travaillent tous les jours, toutes les nuits, etc., c'est faux alors ? Sauf que j'ai été élevée à la française. Ah ben voilà, oui, je comprends. Elle a pris les habitudes des journalistes français. Du coup, elle a même pas le temps d'enquêter sur la situation à Hong Kong, hein, où des manifestations sont d'ailleurs toujours organisées. C'est comme les journalistes français, ils ont pas le temps d'enquêter sur l'affaire Karachi, parce qu'ils doivent faire des reportages sur le poids des cartables ou le festival bière et choucroute de la Louvière. C'est logique, c'est logique. Tiens, puisqu'on parle des Français, j'ai également rencontré André. C'est un Montpelliérain et il est passionné par la Chine. Il aime pas trop qu'on l'emmerde avec les idées reçues sur son pays. Donc, comme quoi les Chinois voudraient, par exemple, diriger le monde. Ça, c'est un fantasme. Ils ne vont pas diriger le monde. Ils vont le faire dans un esprit, comme ils le disent. Je pense qu'il faut les croire, de gagnant-gagnant. Et voilà, un fan de Ségolène Royal, c'est bien ma chance. Remarquez, elle avait théorisé son concept de bravitude sur la Grande Muraille de Chine. Donc là encore, ça se tient. Mais la Chine dit d'autres choses, selon André. Quand elle dit qu'elle veut développer la paix dans le monde, c'est pas pour que son peuple vive en paix. Mais les droits de l'homme ne sont pas hyper respectés en Chine. Attendez, est-ce qu'ils sont respectés en France quand il y a 6 millions de chômeurs, de gens et de sans-abri là, qu'on vient de déloger de partout? Eh oui, référence aux migrants qui ont été expulsés de leur campement avant-hier, à ceux qui patientent dans des conditions sordides à Calais, aux sans-papiers exploités dans nos arrière-cuisines. Alors la France reste le pays des droits de l'homme, hein, bien sûr. On a juste oublié les qualificatifs. C'est le pays des droits de l'homme blanc, friqué et donneur de leçons. Merci Guillaume Meurice. Vous avez tout sauf que vous êtes encore jeune, donc résistez. En compagnie de Guy Carlier et Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Guillaume Meurice qui sera sur scène dans César. Meurice et Vizorek s'accordent. On fait une date exceptionnelle le 25 juin, salle Gaveau, et on donne des places. Sauf que la dernière fois, on avait oublié de poser la question. Donc les gens, voilà. Et donc on va donner des places à Cécile Augrin qui a gagné parce qu'elle nous a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner des places, vu qu'on l'avait pas dit. Donc Cécile, c'est gagné, c'est la seule qui a été vigilante. Alors donc on lance le concours sur notre page Facebook, sur Twitter, et il y a une page spéciale sur le site de France Inter. Vous devez répondre à cette question et on choisira les meilleures réponses. La question est, quel pourrait être un alibi crédible pour Jean-François Copé dans l'affaire Big Malion? Les meilleures réponses recevront deux places pour ce spectacle à Salle Gaveau. Sinon, achetez-les aussi, ce sera très bien. Ah oui, Guy Carlier, si jamais vous avez une bonne réponse, un bon alibi pour Copé, on vous invite Salle Gaveau. Je suis surtout impressionné par le fait qu'il joue Salle Gaveau, quoi. Ah oui, oui, attention, on rigole plus. Hein. Ah oui, c'est chic. Hein. C'est chic. Un siège pour Guy, on vient de vendre une. Deux Guy Carlier qui publie Chapelle Sixties, on va en parler dans quelques minutes, mais juste après le sujet 2. Dans les jardins du château de Versailles, tout au bout du canal. C'est pas par hasard, il y a le vagin de la reine, c'est logique. Oui, c'est le petit surnom que l'artiste Anish Kapoor a trouvé pour son œuvre, qui ressemble aussi à un phonographe, pour ceux qui seraient choqués par le mot vagin, qui est pourtant un véritable courant artistique, le vagin. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés, le mot en lui-même les perturbe énormément. Vagin. Ah oui. Ils n'aiment pas l'entendre et le trouvent difficile à prononcer, alors que sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bite, de leur dard ou encore de leur zézette. Tut, tut, on a oublié de mettre les bips. C'est un extrait de Big Lebowski. Voilà, c'est l'expo d'été à Versailles. Anish Kapoor qui explique son œuvre dans le JDD ce week-end en disant « Le vagin de la reine prend le pouvoir ». Alors, je sais pas s'il avait pensé à un vagin au départ, mais enfin là, c'est réussi. Et donc, une frange des habitants de Versailles est choquée, sans parler de Christine Boutin. Alors, ce choc du vagin et de Versailles, ça vous amuse? Vous trouvez que c'est du génie provocateur d'Anish Kapoor ou Guy Carlier? Ça vous fait marrer? Je suis pas sûr que ce soit provocateur. Non. Je pense que c'est une démarche purement artistique. Après, le titre, JDD, hein, il en joue. Bien sûr, Anish Kapoor, bien sûr, il en joue, et évidemment. Mais je pense que au départ, c'est pas de la provocation pour faire le buzz et faire du business ou un coup comme ça. C'est un véritable artiste. Voilà, il avait fait en 2011 le Léviathan dans la série Monumenta au Grand Palais, et c'était déjà une cavité utérine, et c'était une façon de sensorielle d'approcher l'art contemporain qui était vertigineuse. On se retrouvait dans un ventre de baleine, oui, avec les sons assourdis, avec une dimension comme ça complètement brouillée. Il y avait certains malaises d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient là exprès au cas où les spectateurs faisaient des malaises. Christine Boutin. On sortait la tête à l'envers, vraiment. Donc, c'est pas une lubie qu'il a, ça fait très longtemps qu'il travaille sur ces thématiques-là quand même. Fameux malaise vaginal, hein, on peut en parler. beaucoup de victimes. Mais est-ce que Marie-Antoinette, elle aurait pas trouvé ça marrant? Sûrement. Hein, Ah ben ça, je sais pas, je connais pas vraiment l'humour. Il est pas si vieux que ça. Marie-Antoinette, c'était pas la dernière, on va dire. Vous, Clara Dupont-Moloch, spécialisée en royauté. Plutôt dans le mouton, tout ça. Non, elle était plutôt bucolique. Hein. C'est ça, plutôt bucolique. Pourquoi pas le mouton? C'est pas tant que... Puisqu'on parle bucolique et vagin, c'est l'heure de la chronique de Clara Dupont-Moloch. Moi, j'allais dire, quand on parlait de Marie-Antoinette, c'est l'heure de Clara Dupont-Moloch, mais chacun son style. Il a un esprit plus trivial que vous, Charlie. Vous voyez, Guy Carlier, ça s'est pas arrangé sur France Inter, mais c'est l'heure de Clara Dupont-Mono, on va prendre un petit peu de distance avec tout ça. Mais oui, parce que l'actualité, c'est bien sûr le livre de notre invité, donc Guy Carlier, livre qui s'appelle Chapelle Sixties et c'est paru au Cherche Midi. Et en fait, ce que vous nous proposez, c'est une balade dans votre enfance de baby-boomer. Mais c'est une balade un peu particulière parce qu'en fait, elle a évité une maladie qui, hélas, a contaminé une bonne partie de notre culture aujourd'hui. Et cette maladie, on peut l'appeler le nostalgisme. On peut dire là aussi, mais en gros, le nostalgisme. En général, le nostalgisme modifie la vision du patient. Ou voilà. C'était mieux avant. Quoi. Le c'était mieux avant, c'est exactement pareil. Embellit cette vision, voire l'idéalise. Et du coup, le passé se retrouve comme un paradis perdu, forcément. Ouais. Et aujourd'hui, c'est forcément moins bien. Et ben nous, vous faites pas ça. Vous évitez ce piège-là et vous décrivez les 60s avec beaucoup de lucidité. Parce que mine de rien, il y a des attitudes qu'on n'a plus et vous avez l'air de dire que c'est pas plus mal. Bon, et c'est pas faux. Par exemple, dans les 60s, les profs attrapent les élèves par les cheveux, ce qui vous est arrivé plusieurs fois. Ils frappaient sans l'ombre d'un problème et les enfants ne pouvaient pas se plaindre aux parents. Bah non, parce qu'on en reprenait une des parents après, évidemment. Bah oui, bah voilà. Jamais il serait venu à l'idée des parents d'aller se plaindre auprès du prof. Au rayon des attitudes qu'on n'a plus et c'est pas plus mal. Il y avait aussi les femmes, vous dites, les femmes qui disent « Mon mari rentre à pas d'heure, vous comprenez, il est cadre. Ah » Ça, oui, on n'a plus non plus. Ça, c'était des mots passés cadres, vous voyez, cette espèce maintenant, on appelle ça l'ascenseur social, mais à l'époque, il faut dire que la génération de nos parents, on a été très dur avec eux, elle était consumériste, et il y avait le progrès en plus technique, donc ils ont acheté des frigos, des machines à laver, ils ont consommé parce qu'ils sortaient de la guerre, quoi, ils avaient rien, et donc ils ont plongé avec délice là-dedans. Et donc, le statut social permettait l'achat de ces choses-là. Et c'était pour eux très important. Nous, ça nous saoulait. Et c'est pour ça un peu qu'on avait envie d'autre chose, de se remplir un peu la tête. Et on se l'est rempli avec de la musique ou avec Gottlieb ou avec San Antonio. Alors, au rayon aussi des attitudes qu'on n'a plus, et c'est tant mieux, vous rappelez quand même que les adolescents se masturbaient sur les pages lingerie de la Redoute. Vous dites que Photoshop n'existant pas, eh ben on pouvait distinguer certains détails en haut et en bas. Et puis, il y avait parmi les choses qu'on est content de plus avoir, il y avait des chansons, certaines chansons, comme par exemple celle-ci. Oui, bien sûr. Fais-moi du couscous chéri de Bob Adam, à qui vous consacrez d'ailleurs plusieurs pages. Et alors, tant qu'on est dans l'élégance, restons-y, mais vous rappelez que dans les années 60, on pouvait aussi interpeller un noir en disant « Alors Blanche-Neige, il y a bon banania », sans que personne n'y trouve rien à redire, tandis que les maghrébins, eux, subissaient un racisme alors plus offensif, teinté beaucoup plus de méfiance que de paternalisme, oui. Surtout qu'en plus, se profilait la guerre d'Algérie à ce moment-là. Oui, elle avait lieu, oui. Voilà. Mais c'était un racisme ordinaire. Vous savez, dans le film de Thomas Gijol et Fabrice Eboué, qui s'appelle Case Départ, il se retrouve projeté deux siècles en arrière, à l'époque des marchands d'esclaves. Et il y a un contremaître blanc qui fouette les blacks, et donc il fouette Fabrice Eboué et Thomas Gijol. Mais eux, ce sont des mecs du XXe siècle. Et Thomas Gijol dit au gars, mais vous êtes raciste. Et le gars éclate de rire en disant, évidemment que je suis raciste. Bon, et ben, dans les années 60, c'était comme ça. C'était les gens, les Arabes, les gens les appelaient les bicots. Il était normal qu'ils vivent dans... Ça explique aussi que les enfants de ces gens-là, vous voyez, soient nés avec quand même des difficultés d'intégration. J'ai le souvenir, j'habitais très près d'un bidonville à Argenteuil, dans le quartier du Marais. Ça signifie, vous voyez, c'était un coin insalubre. Et il y avait un filet d'eau au milieu des cabanes. Et les types allaient bosser chez Dassault. Ils bossaient, ils allaient tête baissée. Et les gens leur disaient, dis donc, toi le crouillat, voilà. Et c'était un racisme ordinaire. C'est des gens qui, je me souviens très bien de ma mère me m'engueulant parce que j'étais venu à la maison avec un copain qui s'appelait Mohamed, un pote d'école, quoi, et ne disant rien devant lui et m'interdisant le lendemain de voir un Nord-Africain. Elle disait Nord-Africain, c'est encore, vous savez, c'est comme les gens qui disent les gens de couleur. Oui. Donc elle disait, je veux pas que tu sois ami avec un Nord-Africain, vous voyez, c'était, mais alors, et c'était dit, le racisme ordinaire. C'est quand même justement aussi parce que cette période avait son lot d'anxiété, quand même, c'est précisément parce que sous les pavés, il n'y a pas de plage, mais il y a juste de la terre battue dégueulasse, que les 60s ont quand même un parfum magique. Parce que ce que vous mettez en avant, c'est que les choses à ce moment-là ont changé très vite et que chaque nouveauté était vécue comme un cadeau. L'arrivée d'une télévision, c'est cadeau. Mmh. D'ailleurs, vos parents se mettent en habit du dimanche pour aller la chercher. Ouais, ouais. Ils s'habillent, ils se mettent sur leur 31. Il y avait trois chaînes, donc là, c'est Noël. Ouais. Et on s'aperçoit que l'arrivée d'un frigo, l'arrivée d'une salle de bain, d'une machine à laver, c'était cadeau parce que ça améliorait vraiment le quotidien des Français. Je suis pas sûre qu'on puisse dire la même chose de l'iPhone 6, par exemple. Mais là, il y avait une vraie révolution du quotidien. Et vous insistez beaucoup sur le quotidien des préadolescents, notamment que vous étiez. Là, il y a eu des séismes, notamment culturels, mais il y a eu la première apparition de Johnny Hallyday dans une émission qui s'appelle Paris Cocktail. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la première chanson qu'il chante, c'est Souvenir, souvenir. Donc ouais, la musique. C'est déjà une chanson nostalgique. Sur voilà, la musique texte, nouvelle, hein, déjà exalte la nostalgie. Donc ça en dit long quand même sur notre ceci culture dit, française. J'ai écrit un chapitre qui s'appelle Lost in Translation, oui, parce que c'est évidemment des succès américains qu'adaptaient des vieux paroliers français, les types qui écrivaient pour Annie Cordy ou Marcel Amont. Donc si tu veux, les gars écrivaient. Bon. Mais malgré tout, les mots que disait Johnny Hallyday sur ce premier disque qui a été le mien à 9 ans, c'était des mots de ma génération qui parlaient qu'à moi et qui ont créé un séisme. Tout de suite, on a appelé les parents les croulants, je sais pas, enfin les gens. Et alors nous, que c'était nous, une chanson de Dalida. Nous, on était les copains. Parce qu'il y avait l'émission Salut les copains qui était oui, culte. Oui, mais Guy Carlier, c'était une chanson de Dalida, Souvenir, souvenir. C'était multiple. Il y avait Itzy Petit Bikini aussi, qui était une merde intégrale. Qui était, bah oui, elle avait peur de montrer quoi, son Itzy Petit Bikini. Johnny chantait ça, et Dalida aussi. Les artistes chantaient, plusieurs artistes chantaient la même chanson. Mais ce que je veux dire, c'est que ça crée quand même une rupture. Ce mec, dont mes parents disait c'est un blouson noir, il se roule par terre, enfin vous voyez, crée une rupture avec nos parents et ça a été le début de tout. Alors évidemment, on avait 9 ans, donc c'est cohérent les textes de Johnny Hallyday quand t'as 9 ans, tu vois. Moi j'avais ce disque quand je claquais la porte de ma chambre en disant que mes parents étaient des fascistes, enfin, je sais pas si j'en ai dit, on jette sur le lit en disant, ah! Bon, et je connaissais le disque par cœur, y compris le nom de l'imprimerie. C'était l'imprimerie Glory. Je me disais, putain, ils ont de la chance les gars de l'imprimerie Glory de faire les poches d'Hallyday. Et je lui disais, je t'écrirai une chanson quand je serai grand. Et vous l'avez fait. Alors, ce qui est assez difficile quand même quand on fait ce genre de livre, c'est-à-dire quand on revisite son enfance, c'est quand même la question du regard. Parce qu'en fait, il faut bien choisir à un moment entre le regard de l'enfant qu'on était ou celui de l'adulte qu'on est devenu. Ça, c'est très compliqué à trouver comme juste distance. Et vous, Guy Carlier, vous avez choisi d'alterner, en fait, c'est-à-dire que tantôt c'est l'enfant qui raconte émerveillé par tant de nouveautés, et tantôt c'est l'adulte qui remet les pendules à l'heure. Et notamment, vous écrivez un chapitre qui s'appelle Sans rire, et là, je vous cite, vous dites, il y avait dans le rock et la pop un romantisme post pubertaire et une révolte qui supportait mal l'humour. C'est-à-dire que vous pointez du doigt l'absence d'humour dans la musique des années 60, exception faite d'Henri Salvador qui a tout parodié quand même, bien ça vous rendait hommage, exception faite aussi à un groupe qui s'appelait Les Problèmes et qui vont devenir les Charlots. Donc quand même là vous faites, et après vous dites qu'ils ont gagné le néant, mais vous faites quand même justice aux Charlots, et rien que pour ça je vous remercierai jamais assez. Je vous redonne les références, Chapelle 60s de Guy Carlier, c'est paru au Cherche Midi. Merci Clara Dupont-Monod, et à cette heure-ci sur France Inter, Guy Carlier. On enchaîne avec Guy un Carlier, sketch. J'ai une petite proposition à vous faire. Est-ce que vous acceptez un rôle dans un sketch? Ah, tout à fait. Alors, ça part d'une info. Michael Enright, qui est un acteur des experts, est parti combattre l'État islamique en Syrie. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passerait si un acteur de série française partait au combat? On va voir tout de suite. Bonjour monsieur, vous êtes? Je suis Louis la Brocante. Ah bon, ben moi je suis islamique, l'État islamique. Bon, je viens régler le conflit, j'ai dans ma camionnette de très belles pièces. Ah bon, d'accord, mais nous les vieux trucs on les pète, hein. Oui, je comprends bien, mais Palmyre c'était plus que des antiquités. Ici j'ai une très belle statue du XVIe siècle, une Pietà. Une quoi? Une Pietà, c'est une statue de la Vierge avec le Christ dans les bras. Le Christ, mais attendez. Vous savez qui on est là ? Oui, mais c'est le Christ en train de mourir. Alors je me suis dit que ça pourrait peut-être vous faire plaisir. Mais attendez. On est musulmans, nous. Hein, moi, je veux pas du Christ, je vous préviens. Bah oui, mais j'ai pas de statue de prophète. Bah j'espère bien ! Sinon, j'ai un beau sabre japonais du 12e siècle. Ah, ça m'intéresse par contre, oui. C'est pour faire harakiri. Oui, mais ça fonctionne aussi sur les autres. Oui. Montre-moi, on va l'essayer tout de suite. Le voilà. Ouais. Bonjour tout le monde ! Bah qui c'est ça ? D'où vous venez, vous ? Je suis Joséphine Ange Gardien. Oh là là. Et je viens parce que vous vouliez lui couper la tête. Non. Si. Bah si, quand même. Oui, un petit peu. Et moi, je suis là pour sauver le monde. Si on est attaqué par Louis la Brocante et Joséphine Ange Gardien, franchement, moi, je crois plus au djihad, quoi. Allez, donne-moi le sabre. Allez, tiens, voilà, je vous fais un prix. Ah, qui arrive ? Et voilà, un curé d'affaires de régler. Merci Guy Carlier de vous être prêté au jeu de ce sketch et de cette émission. Guy Carlier qui publie Chapelle Sixties, c'est paru au Cherche Midi. Et si vous voulez réécouter Clara Dupont-Mono avec Guy Carlier dans une chronique à deux voix, c'est sur franceinter.fr. Et bien même sûr. Le sketch, je pense qu'on le mettra. Ah ouais, oui, juste à côté de celui d'Ariel Dombal qui a joué NKM hier, qui était aussi un bon souvenir. Merci à tous, merci à Samir Bouadi, Clara Dupont-Mono, Guillaume Meurice, Alex Vizorek et merci à Guy Carlier. On laisse le mot de la fin à Louis XIV, cherchant là-bas au loin le vagin de la reine. La voilà. Tu l'as vu ? La pomponnette ?